crois que c'est tes yeux ou bien ta bouche. C'est peut-être les deux. Plus rien ne bouge. J'ai tout de suite su. Ouais, dès que je t'ai vu, je m'en suis voulu. J'y croyais plus. Car avant toi, je n'avais plus rien. Avant toi, c'était dur. J'avais perdu mon chemin. Mais tu m'as dit, prends-moi la main, suis-moi et viens danser. Et moi, je me suis sentie comme les filles de mes films préférés. T'as réussi à faire revenir celle que j'ai oubliée. Tu m'as dit. Et tu m'as dit de respirer et de te faire confiance. Et je me suis perdue dans tes bras, je me suis perdue dans la danse. T'as réussi à faire. Maintenant je sais ce que je garde, ce qui me plaît. Et si j'ai pu perdre la route, j'étais perdue, rongée par les doutes. Avant toi, je n'avais plus rien. Avant toi, c'était dur, j'avais perdu mon chemin. Mais tu m'as dit, prends-moi la main, suis-moi et viens danser. Et moi, je me suis sentie comme les filles de mes films préférés. T'as réussi à faire revenir celle que j'ai oubliée. Tu m'as dit. Et tu m'as dit de respirer et de te faire confiance. Et je me suis perdue dans tes bras, je me suis perdue dans la danse. T'as réussi à faire revenir en beau. De mon enfance, tu m'as dit, viens là, je veux te voir. Tu m'as dit, tu vas rester dans le noir. Tu m'as dit, viens là, je veux te voir. Tu m'as dit.